prends tout depuis le début. C'est sur la chronique d'Alain, j'ai de mettre le paquet parce que c'est pas tout bête, Ricky. Faut que son père tu te pète. Ta voilà, il est là. Si ton flot passe pas, c'est que son passeport. Plus pas besoin de passeport. Pour nous, la concurrence dans le rap, c'est pas du tout un obstacle. Disons qu'on la voit, on est passé à l'obstacle. Le 75, demain aux aguets, on avance comme New York. Tokyo, où tu pètes ou quoi? Me viens des potes de galère, rentre mon colère. J'ai les types qui stoppent tes galères. T'es bête ou quoi? Ouais, tu te rappelles? T'es tendard, stop, c'est trop tard. On fait ça marche en claquette. C'est la rue là, faut que je smack, que soit je fais un switch. Serge te sèche et ça juste en six. En top j'ai switch, j'arrête juste le beat. Paris c'est Konoha, bande d'imbéciles, voilà les lignes. Depuis la terre du milieu, rien de ça clique. Passe un coup de fil à ceux qui nous prenaient pour des petits peu. Dis-leur t'as vu la douleur du projet. Que t'as pris des coups, bah décroche pas le temps d'être cool. Ou de causer, passe tout le titre. Désolé pour les rats, désolé pour les rappeurs. Si cette année encore on prend le trône. L'équipe genoux, la concurrence crie made made. C'est courageux. Paris sans cousin, y'a pas le temps de chanter baby baby. Au pôle Nord, ça sent les coups de genoux, la concurrence crie made made. Des 75, la 9ème zone, c'est le Wattibé, Wattibé. C'est Dawala, lui-même, qui la glitch. C'est la rue poto. Joue pas, au même petit chez soi qui a grossé les autres. Certifié, MG, ensemble.